Section 4 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Première partie, livre 3e, Almalo. Chapitre 1. La parole, c'est le verbe. Le vieillard redressa lentement la tête. L'homme qui lui parlait avait environ 30 ans. Il avait sur le front le hâle de la mer. Ses yeux étaient étranges. C'était le regard sagace du matelot dans la prunelle candide du paysan. Il tenait puissamment les rames dans ses deux poings. Il avait l'air doux. On voyait à sa ceinture un poignard, deux pistolets et un rosaire. « Qui êtes-vous ? » dit le vieillard. « Je viens de vous le dire. Qu'est-ce que vous me voulez ?» L'homme quitta les avirons, croisa les bras et répondit. « Vous tuez. »« Comme vous voudrez, » dit le vieillard. L'homme haussa la voix. « Préparez-vous. » « À quoi ? » ?»« À mourir. » « Pourquoi ?» demanda le vieillard. Il y eut un silence. L'homme sembla un moment comme interdit de la question. Il reprit. « Je dis que je veux vous tuer, et je vous demande pourquoi. » Un éclair passa dans les yeux du matelot. « Parce que vous avez tué mon frère. » Le vieillard repartit avec calme. « J'ai commencé par lui sauver la vie. »« C'est vrai, vous l'avez sauvé d'abord et tué ensuite. »« Ce n'est pas moi qui l'ai tué. »« Qui donc l'a tué ? Sa faute ?» Le matelot, béant, regarda le vieillard. Puis, ses sourcils reprirent leur froncement farouche. « Comment vous appelez-vous ? » dit le vieillard. « Je m'appelle Almalo, mais vous n'avez pas besoin de savoir mon nom pour être tué par moi. » En ce moment, le soleil se leva. Un rayon frappa le matelot en plein visage et éclaira vivement cette figure sauvage. Le vieillard le considérait attentivement. La canonnade, qui se prolongeait toujours, avait maintenant des interruptions et des saccades d'agonie. Une vaste fumée s'affaissait sur l'horizon. Le canot, que ne maniait plus le rameur, allait à la dérive. Le matelot saisit de sa main droite un des pistolets de sa ceinture et, de sa main gauche, son chapelet. Le vieillard se dressa debout. « Tu crois en Dieu ? » dit-il. « Notre Père qui est au ciel, » répondit le matelot. Et il fit le signe de la croix. « As-tu ta mère ? » ?»« Oui. » Il fit un deuxième signe de croix. Puis il reprit. « C'est dit. Je vous donne 1 minute, monseigneur. » Et il arma le pistolet. « Pourquoi m'appelles-tu monseigneur ? » ?»« Parce que vous êtes un seigneur. Cela se voit. »« As-tu un seigneur, toi ?» Oui, et un grand. Est-ce qu'on vit sans seigneur ? Où est-il ? Je ne sais pas. Il a quitté le pays. Il s'appelle Monsieur le Marquis de Lantenac, vicomte de Fontenay, prince en Bretagne. Il est le seigneur des Sacs-Forêts. Je ne l'ai jamais vu, ce qui ne l'empêche pas d'être mon maître. Et, si tu le voyais, lui obéirais-tu ? Certes, je serais donc un païen si je ne lui obéissais pas. On doit obéissance à Dieu, et puis au roi, qui est comme Dieu, et puis au seigneur, qui est comme le roi. « Mais ce n'est pas tout ça. Vous avez tué mon frère, il faut que je vous tue. » Le vieillard répondit. « D'abord, j'ai tué ton frère. J'ai bien fait. » Le matelot crispa son poing sur son pistolet. « Allons, dit-il. Soit, dit le vieillard. » Et tranquille, il ajouta. « Où est le prêtre ?» Le matelot le regarda. « Le prêtre ? Oui, le prêtre. J'ai donné un prêtre à ton frère. Tu me dois un prêtre. »« Je n'en ai pas, dit le matelot. » Et il continua. « Est-ce qu'on a des prêtres en pleine mer ?» On entendait les détonations convulsives du combat, de plus en plus lointain. « Ceux qui meurent là-bas ont le leur, » dit le vieillard. « C'est vrai, » murmura le matelot. « Ils ont monsieur l'aumônier. » Le vieillard poursuivit. « Tu perds mon âme, ce qui est grave. » Le matelot baissa la tête, pensif. « Et, en perdant mon âme, » reprit le vieillard, « tu perds la tienne. Écoute, j'ai pitié de toi. Tu feras ce que tu voudras. Moi, j'ai fait mon devoir tout à l'heure, d'abord en sauvant la vie à ton frère, et ensuite, en la lui ôtant. Et je fais mon devoir à présent en tâchant de sauver ton âme. Réfléchis, cela te regarde. Entends-tu les coups de canon dans ce moment-ci ? Il y a là des hommes qui périssent. Il y a là des désespérés qui agonisent. Il y a là des maris qui ne reverront plus leur femme. Des pères qui ne reverront plus leur enfant. Des frères qui, comme toi, ne reverront plus leurs frères. Et par la faute de qui ? Par la faute de ton frère à toi. Tu crois en Dieu, n'est-ce pas ? Eh bien, tu sais que Dieu souffre en ce moment. Dieu souffre dans son fils très chrétien, le roi de France, qui est enfant comme l'enfant Jésus, et qui est en prison dans la tour du Temple. Dieu souffre dans son église de Bretagne. Dieu souffre dans ses cathédrales insultées, dans ses évangiles déchirés, dans ses maisons de prière violées. Dieu souffre dans ses prêtres assassinés. Qu'est-ce que nous venions faire, nous, dans ce navire qui périt en ce moment ? Nous venions secourir Dieu. Si ton frère avait été un bon serviteur, s'il avait fidèlement fait son office d'homme sage et utile, le malheur de la caronade ne serait pas arrivé. La corvette n'eût pas été désemparée, elle n'eût pas manqué sa route, elle ne fût pas tombée dans cette flotte de perdition. Et nous débarquerions à cette heure en France, tous, en vaillant homme de guerre et de mer, que nous sommes, sabre au poing, drapeau blanc déployé, nombreux, contents, joyeux. Et nous viendrions aider les braves paysans de Vendée à sauver la France, à sauver le roi, à sauver Dieu. Voilà ce que nous voulions faire, voilà ce que nous ferions. Voilà ce que, moi, le seul qui reste, je viens faire. Mais tu t'y opposes. Dans cette lutte des impies contre les prêtres, dans cette lutte des régicides contre le roi, dans cette lutte de Satan contre Dieu, tu es pour Satan. Ton frère a été le premier auxiliaire du démon, tu es le second. Il a commencé, tu achèves. Tu es pour les régicides, contre le trône. Tu es pour les impies, contre l'Église. Tu ôtes à Dieu sa dernière ressource. Parce que je ne serai point là, moi qui représente le roi, les hameaux vont continuer de brûler, les familles de pleurer, les prêtres de saigner, la Bretagne de souffrir, et le roi d'être en prison, et Jésus-Christ d'être en détresse. Et qui aura fait cela? Toi. Va, c'est ton affaire. Je comptais sur toi pour tout le contraire, je me suis trompé. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai tué ton frère. Ton frère avait été courageux, je l'ai récompensé. Il avait été coupable, je l'ai puni. Il avait manqué à son devoir, je n'ai pas manqué au mien. Ce que j'ai fait, je le ferai encore. Et je le jure par la grande sainte Anne Doré qui nous regarde. En pareil cas, de même que j'ai fait fusiller ton frère, je ferai fusiller mon fils. Maintenant, tu es le maître. Oui, je te plains. Tu as menti à ton capitaine. Toi, chrétien, tu es sans foi. Toi, breton, tu es sans honneur. J'ai été confié à ta loyauté et accepté par ta trahison. Tu donnes ma mort à ceux à qui tu as promis ma vie. Sais-tu qui tu perds ici? C'est toi. Tu prends ma vie au roi et tu donnes ton éternité au démon. Va, commets ton crime, c'est bien. Tu fais bon marché de ta part de paradis. Grâce à toi, le diable vaincra. Grâce à toi, les églises tomberont. Grâce à toi, les païens continueront de fondre les cloches et d'en faire des canons. On mitraillera les hommes avec ce qui sauvait les âmes. En ce moment où je parle, la cloche qui a sonné ton baptême tue peut-être ta mère. Va, aide le démon, ne t'arrête pas. Oui, j'ai condamné ton frère, mais sache cela, je suis un instrument de Dieu. Ah, tu juges les moyens de Dieu? Tu vas donc te mettre à juger la foudre qui est dans le ciel. Malheureux, tu seras jugé par elle. Prends garde à ce que tu vas faire. Sais-tu seulement si je suis en état de grâce? Non, va tout de même, fais ce que tu voudras. Tu es libre de me jeter en enfer et de t'y jeter avec moi. Nos deux damnations sont dans ta main. Le responsable devant Dieu, ce sera toi. Nous sommes seuls et face à face dans l'abîme. Continue, termine, achève. Je suis vieux et tu es jeune. Je suis sans armes et tu es armé. Tue-moi. Pendant que le vieillard, debout, d'une voix plus haute que le bruit de la mer, disait ces paroles, les ondulations de la vague le faisaient apparaître tantôt dans l'ombre, tantôt dans la lumière. Le matelot était devenu livide. De grosses gouttes de sueur lui tombaient du front. Il tremblait comme la feuille. Par moments, il baisait son rosaire. Quand le vieillard eut fini, il jeta son pistolet et tomba à genoux. « Grâce, monseigneur, pardonnez-moi » cria-t-il. « Vous parlez comme le bon Dieu, j'ai tort, mon frère a eu tort. Je ferai tout pour réparer son crime. Disposez de moi, ordonnez, j'obéirai. » »« Je te fais grâce, » dit le vieillard. Chapitre 2. Mémoire de paysan vaut science de capitaine. Les provisions qui étaient dans le canot ne furent pas inutiles. Les deux fugitifs, obligés à de longs détours, mirent 36 heures à atteindre la côte. Ils passèrent une nuit en mer. Mais la nuit fut belle, avec trop de lune cependant pour des gens qui cherchaient à se dérober. Ils durent d'abord s'éloigner de France et gagner le large, vers Jersey. Ils entendirent la suprême canonnade de la corvette foudroyée, comme on entend le dernier rugissement du lion que les chasseurs tuent dans les bois. Puis le silence suffit sur la mer. Cette corvette, la Clémore, mourut de la même façon que le Vengeur. Mais la gloire l'a ignorée. On n'est pas héros contre son pays. Almalo était un marin surprenant. Il fit des miracles de dextérité et d'intelligence. Cette improvisation d'un itinéraire à travers les écueils, les vagues et le guet de l'ennemi fut un chef-d'œuvre. Le vent avait décru et la mer était devenue maniable. Almalo évita les côtes des minquiers, contourna la chaussée aux bœufs, s'y abrita afin de prendre quelques heures de repos dans la petite crique qui s'y fait au nord à marée basse et, redescendant au sud, trouva moyen de passer entre Granville et les îles Chauzet sans être aperçu ni de la vigie de Chauzet ni de la vigie de Granville. Il s'engagea dans la baie de Saint-Michel, ce qui était hardi à cause du voisinage de Cancale, lieu d'ancrage de la croisière. Le soir du second jour, environ une heure avant le coucher du soleil, Il laissa derrière lui le Mont-Saint-Michel et vint atterrir à une grève qui est toujours déserte parce qu'elle est dangereuse. On s'y enlise. Heureusement, la marée était haute. Almalo poussa l'embarcation le plus avant qu'il put, tâta le sable, le trouva solide, y échoua le canot et sauta à terre. Le vieillard, après lui, enjamba le bord et examina l'horizon. « Monseigneur, dit Almalo, nous sommes ici à l'embouchure du Queno. Voilà Beauvoir à tribord et Huyne à bâbord. Le cloche est devant nous, c'est Ardevon. » Le vieillard se pencha dans le canot, y prit un biscuit qu'il mit dans sa poche et dit à Almalo « Prends le reste !» Almalo mit dans le sac ce qui restait de viande avec ce qui restait du biscuit et chargea le sac sur son épaule. Cela fait, il dit « Monseigneur, faut-il vous conduire ou vous suivre ?»« Ni l'un ni l'autre. » Almalo, stupéfait, regarda le vieillard. Le vieillard continua. « Almalo, nous allons nous séparer. Être deux ne vaut rien. Il faut être mille ou seul. » Il s'interrompit et tira d'une de ses poches un nœud de soie verte, assez pareil à une cocarde, au centre duquel était brodée une fleur de lys en or. Il reprit « Sais-tu lire ?»« Non. »« C'est bien, un homme qui lit sa gêne. As-tu bonne mémoire ?»« Oui. » »« C'est bien. Écoute, Almalo. Tu vas prendre à droite et moi à gauche. J'irai du côté de Fougères, toi du côté de Bazouille. Garde ton sac, qui te donne l'air d'un paysan. Cache tes armes. Coupe-toi un bâton dans les haies. Rampe dans les selles qui sont hauts. Glisse-toi derrière les clôtures. Enjambe les échaliers pour aller à travers champs. Laisse à distance les passants. Évite les chemins et les ponts. N'entre pas à Pontorson. Ah, tu auras à traverser le Quénon. Comment le passeras-tu ? À la nage. C'est bien. Et puis il y a un gué. Sais-tu où il est ? Entre Ancey et Vieux-Vielle. C'est bien, tu es vraiment du pays. Mais la nuit vient. Où monseigneur couchera-t-il ? Je me charge de moi, et toi, où coucheras-tu ? Il y a des émousses. Avant d'être matelot, j'ai été paysan. Jette ton chapeau de marin qui te trahirait. Tu trouveras bien quelque part une carapousse. Oh ! Un tape à bord ! Cela se trouve partout. Le premier pêcheur venu me vendra le sien. C'est bien. Maintenant, écoute. Tu connais les bois ? Tous. De tout le pays ? Depuis Noirmoutier jusqu'à Laval. Connais-tu aussi les noms ? Je connais les bois, je connais les noms, je connais tout. Tu n'oublieras rien ? Rien. C'est bien. À présent, attention. Combien peux-tu faire de lieues par jour ? 10, 15, 18, 20 s'il le faut. Il le faudra. Ne perds pas un mot de ce que je vais te dire. Tu iras au bois de Saint-Aubin. Près de l'Emballe ? Oui. Sur la lisière du Ravin, qui est entre Saint-Rieul et Prédéliac, il y a un gros châtaignier. Tu t'arrêteras là. Tu ne verras personne. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura quelqu'un, je sais. Tu feras l'appel. Sais-tu faire l'appel ? Almalo enfla ses joues, se tourna du côté de la mer, et l'on entendit le ouh-ouh de la chouette. On eût dit que cela venait des profondeurs nocturnes. C'était ressemblant et sinistre. Bien, dit le vieillard, tu en es. Il tendit à Almalo le nœud de soie verte. Voici mon nœud de commandement, prends-le. Il importe que personne encore ne sache mon nom. Mais ce nœud suffit. La fleur de lys a été brodée par Madame Royale dans la prison du temple. Almalo mit un genou en terre. Il reçut avec un tremblement le nœud fleur-de-lysé et en approcha ses lèvres. Puis, s'arrêtant comme effrayé de ce baiser, « Le puis-je » demanda-t-il. « Oui, puisque tu baises le crucifix. » Almalo baisa la fleur-de-lys. « Relève-toi, » dit le vieillard. Almalo se releva et mit le nœud dans sa poitrine. Le vieillard poursuivit. « Écoute bien ceci. Voici l'ordre. Insurgez-vous, pas de quartier. Donc, sur la lisière du bois de Saint-Aubin, tu feras l'appel. Tu le feras 3 fois. À la 3e fois, tu verras un homme sortir de terre. D'un trou sous les arbres, je sais. Cet homme, c'est Planchenot, qu'on appelle aussi Cœur de Roi. Tu lui montreras ce nœud, il comprendra. Tu iras ensuite par les chemins que tu inventeras au bois d'Astillé. Tu y trouveras un homme cagneux qui est surnommé Mousqueton, et qui ne fait miséricorde à personne. Tu lui diras que je l'aime et qu'il mette en branle ses paroisses. Tu iras ensuite au bois de Couébon, qui est à 1 lieue de Ploërmel. Tu feras l'appel de la chouette. Un homme sortira d'un trou. C'est Monsieur Thuot, sénéchal de Ploërmel, qui a été, de ce qu'on appelle, l'assemblée constituante, mais du bon côté. Tu lui diras d'armer le château de Couébon, qui est au marquis de Guerre, émigré. Ravin, petit bois, terrain inégal, bon endroit. Monsieur Thuot est un homme droit et d'esprit. Tu iras ensuite à Saint-Ouen-les-Toits, et tu parleras à Jean Chouan, qui est à mes yeux le vrai chef. Tu iras ensuite au bois de Villanglose, tu y verras Guiterre, qu'on appelle Saint-Martin. Tu lui diras d'avoir l'œil sur un certain Courménil, qui est gendre du vieux Goupil de Préfelne, et qui mène la Jacobinière d'Argentan. Retiens bien tout. Je n'écris rien parce qu'il ne faut rien écrire. La Rouarie a écrit une liste Cela a tout perdu. Tu iras ensuite au bois de Rouchefeu, où est Mielette, qui saute par-dessus les ravins en s'arc-boutant sur une longue perche. Cela s'appelle une ferte. Sais-tu t'en servir? Je ne serai donc pas breton et je ne serai donc pas paysan. La ferte, c'est notre amie. Elle agrandit nos bras et allonge nos jambes. C'est-à-dire qu'elle rapetisse l'ennemi et raccourcit le chemin. Bon engin. Une fois avec ma ferte, j'ai tenu tête à trois gabelous qui avaient des sabres. Quand ça? Il y a 10 ans. Sous le roi? Mais oui. Tu t'es donc battu sous le roi? Mais oui. Contre qui? Ma foi, je ne sais pas, j'étais faussolier. C'est bien. On appelait cela se battre contre les gabelles. Les gabelles, est-ce que c'est la même chose que le roi? Oui, non, mais il n'est pas nécessaire que tu comprennes cela. Je demande pardon à monseigneur d'avoir fait une question à monseigneur. Continuons. Connais-tu la Tourgue? Si je connais la Tourgue, j'en suis. Comment? Oui, puisque je suis de Parigné. En effet, la Tourgue est voisine de Parigné. Si je connais la Tourgue, le gros château rond qui est le château de famille de mes seigneurs. Il y a une grosse porte de fer qui sépare le bâtiment neuf du bâtiment vieux, et qu'on n'enfoncerait pas avec du canon. C'est dans le bâtiment neuf qu'est le fameux livre sur Saint-Barthélemy qu'on venait voir par curiosité. Il y a des grenouilles dans l'herbe. J'ai joué tout petit avec ces grenouilles-là. Et la passe souterraine, je la connais. Il n'y a peut-être plus que moi qui la connaisse. Quelle passe souterraine? Je ne sais pas ce que tu veux dire. C'était pour autrefois dans les temps quand la tourgue était assiégée. Les gens du dedans pouvaient se sauver dehors en passant par un passage souterrain qui va aboutir à la forêt. En effet, il y a un passage souterrain de ce genre au château de la Jupelière et au château de la Hunaudaille et à la tour de Campéon, mais il n'y a rien de pareil à la tourgue. Si fait, monseigneur, je ne connais pas ces passages-là dont monseigneur parle. Je ne connais que celui de la tourgue, parce que je suis du pays. Et encore, il n'y a guère que moi qui sache cette passe-là. On n'en parlait pas, c'était défendu. Parce que ce passage avait servi du temps des guerres de monsieur de Rohan. Mon père savait le secret et il me l'a montré. Je connais le secret pour entrer et le secret pour sortir. Si je suis dans la forêt, je puis aller dans la tour. Et si je suis dans la tour, je puis aller dans la forêt, sans qu'on me voie. Et quand les ennemis entrent, il n'y a plus personne. Voilà ce que c'est que la tourgue. Ah, je la connais! Le vieillard demeura un moment silencieux. Tu te trompes, évidemment. S'il y avait un tel secret, je le saurais. Monseigneur, j'en suis sûr. Il y a une pierre qui tourne. Ah bon, vous autres paysans, vous croyez aux pierres qui tournent, aux pierres qui chantent, aux pierres qui vont boire la nuit au ruisseau d'à côté. T'as de compte? Mais, puisque je l'ai fait tourner, la pierre. Comme d'autres l'ont entendu chanter. Camarade, la tourgue est une bastille sûre et forte, facile à défendre. Mais celui qui compterait sur une issue souterraine pour s'en tirer serait naïf. Mais, monseigneur! Le vieillard haussa les épaules. Ne perdons pas de temps, parlons de nos affaires. Ce ton péremptoire coupa court à l'insistance de Almalo. Le vieillard reprit. Poursuivons, écoute. De Rouchefeu, tu iras au bois de Montchevrier, où est Bénédicité, qui est le chef des 12. C'est encore un bon. Il dit son Bénédicité pendant qu'il fait arcubuser les gens. En guerre, pas de sensiblerie. De Montchevrier, tu iras. Il s'interrompit. J'oubliais l'argent. Il prit dans sa poche et mit dans la main de Almalo une bourse et un portefeuille. Voilà dans ce portefeuille 30 000 francs en assignats. Quelque chose comme 3 livres 10 sous. Il faut dire que les assignats sont faux, mais les vrais valent juste autant. Et voici dans cette bourse, attention, 100 louis en or. Je te donne tout ce que j'ai. Je n'ai plus besoin de rien ici. D'ailleurs, il vaut mieux qu'on ne puisse pas trouver d'argent sur moi. Je reprends. De Montchevrier, tu iras à Entrain, où tu verras monsieur de Frotté. D'Entrain à la Jupelière, où tu verras monsieur de Rochecotte. De la Jupelière à Noirieux, où tu verras l'abbé Baudouin. Te rappelleras-tu tout cela? Comme mon pater. Tu verras monsieur Duboigny à Saint-Brice-en-Cogle, monsieur de Turpin à Morane, qui est un bourg fortifié, et le prince de Talmont à Château-Gontier. Est-ce qu'un prince me parlera? Puisque je te parle. Anne-Malo ôta son chapeau. Tout le monde te recevra bien en voyant cette fleur de lys de madame. N'oublie pas qu'il faut que tu ailles dans des endroits où il y a des montagnards et des pâteaux. Tu te déguiseras, c'est facile. Ces républicains sont si bêtes qu'avec un habit bleu, un chapeau à 3 cornes et une cocarde tricolore, on passe partout. Il n'y a plus de régiment, il n'y a plus d'uniforme. Les corps n'ont pas de numéro. Chacun met la guenille qu'il veut. Tu iras à Saint-Mervé. Tu verras Gaulier, dit Grand-Pierre. Tu iras au cantonnement de Parnay, où sont les hommes au visage noirci. Ils mettent du gravier dans leurs fusils et double charge de poudre pour faire plus de bruit. Ils font bien. Mais surtout, dis-leur de tuer, de tuer, de tuer. Tu iras au camp de la Vinchetoire, qui est sur une hauteur au milieu du bois de la Charny. Puis au camp de l'Avoine, puis au camp Vert, puis au camp des Fourmis. Tu iras au Grand Bordage, qu'on appelle aussi le Haut des Prés, et qui est habité par une veuve dont Treton, dit l'anglais, a épousé la fille. Le grand bordage est dans la paroisse de Kellen. Tu visiteras Épineux le Chevreuil, Sillé le Guillaume, Parane, et tous les hommes qui sont dans tous les bois. Tu auras des amis, et tu les enverras sur la lisière du Haut et du Bas-Maine. Tu verras Jean Treton dans la paroisse de Vège, Sans Regret au Bignon, Chambord à Bonchamp, les frères Corbin à Maisoncelle et le petit Sempeur à Saint-Jean-sur-Erve. C'est le même qui s'appelle Bourdoiseau. Tout cela fait est le mot d'ordre. Insurgez-vous, pas de quartier. Donnez partout. Tu joindras la grande armée, l'armée catholique et royale, où elle sera. Tu verras messieurs d'Elbé, de Lescure, de la Roche-Jacquelin, ceux des chefs qui vivront alors. Tu leur montreras mon nœud de commandement, ils savent ce que c'est. Tu n'es qu'un matelot, mais Catelino n'est qu'un chartier. Tu leur diras de ma part ceci. Il est temps de faire les deux guerres ensemble, la grande et la petite. La grande fait plus de tapage, la petite plus de besogne. La Vendée est bonne, la chouannerie est pire. Et, en guerre civile, c'est la pire qui est la meilleure. La bonté d'une guerre se juge à la quantité de mal qu'elle fait. Il s'interrompit. Almalo, je te dis tout cela. Tu ne comprends pas les mots, mais tu comprends les choses. J'ai pris confiance en toi en te voyant manœuvrer le canot. Tu ne sais pas la géométrie et tu fais des mouvements de mer surprenants. Qui sait mener une barque peut piloter une insurrection. À la façon dont tu as manié l'intrigue de la mer, j'affirme que tu te tireras bien de toutes mes commissions. Je reprends. Tu verras donc ceci au chef, à peu près, comme tu pourras, mais ce sera bien. J'aime mieux la guerre des forêts que la guerre des plaines. Je ne tiens pas à aligner 100 000 paysans sous la mitraille des soldats bleus et sous l'artillerie de M. Carnot. Avant un mois, je veux avoir 500 000 tueurs, embusqués dans les bois. L'armée républicaine est mon gibier. Braconnier, c'est guerroyer. Je suis le stratège des broussailles. Bon, voilà encore un mot que tu ne saisiras pas, c'est égal. Tu saisiras ceci. Pas de quartier et des embuscades partout. Je veux faire plus de chouannerie que de Vendée. Tu ajouteras que les Anglais sont avec nous. Prenons la République entre deux feux, l'Europe nous aide. Finissons-en avec la Révolution. Les rois lui font la guerre des royaumes, faisons-lui la guerre des paroisses. Tu diras cela. As-tu compris? Oui, il faut tout mettre à feu et à sang. C'est ça. Pas de quartier. À personne, c'est ça. J'irai partout. Et prends garde, car dans ce pays-ci, on est facilement un homme mort. La mort, cela ne me regarde point. Qui fait son premier pas use peut-être ses derniers souliers. Tu es un brave. Et si l'on me demande le nom de Monseigneur, on ne doit pas le savoir encore. Tu diras que tu ne le sais pas et ce sera la vérité. Où reverrai-je Monseigneur? Où je serai? Comment le saurai-je? Parce que tout le monde le saura. Avant 8 jours, on parlera de moi, je ferai des exemples. Je vengerai le roi et la religion. Et tu reconnaîtras bien que c'est de moi qu'on parle. J'entends. N'oublie rien. Soyez tranquille. Pars maintenant, que Dieu te conduise. Va. Je ferai tout ce que vous m'avez dit. J'irai, je parlerai, j'obéirai, je commanderai. Bien. Et si je réussis, je te ferai chevalier de Saint-Louis, comme mon frère. Et si je ne réussis pas, vous me ferez fusiller, comme ton frère. C'est dit, monseigneur. Le vieillard baissa la tête et sembla tomber dans une sévère rêverie. Quand il releva les yeux, il était seul. Almalo n'était plus qu'un point noir s'enfonçant dans l'horizon. Le soleil venait de se coucher. Les goélands et les mouettes à capuchon rentraient. La mer, c'est dehors. On sentait dans l'espace cette espèce d'inquiétude qui précède la nuit. Les rainettes coassaient, les jacquets s'envolaient des flaques d'eau en sifflant. Les mauves, les freux, les carabins, les grolles faisaient leur vacarme du soir. Les oiseaux de rivage s'appelaient, mais pas un bruit humain. La solitude était profonde. Pas une voile dans la baie, pas un paysan dans la campagne. À perte de vue, l'étendue déserte. Les grands chardons des sables frissonnaient. Le ciel blanc du crépuscule jetait sur la grève une vaste clarté livide. Au loin, les étangs, dans la plaine sombre, ressemblaient à des plaques d'étain posées à plat sur le sol. Le vent soufflait du large. Fin de la section 4.